l'histoire se répète, bafouée. Toutes ont pris perpète. De quel délit la femme est donc la vedette? Sous le péché d'Ève, un mari trop bête. Imbécile, trop stupide, une bouchée de gourmandise fait que le mal soi-disant nous magnétise. Je n'ai rien à faire de ceux qui le disent dans la Bible qui l'a écrite, car si c'est véridique, pour toutes ces femmes qui ont pleuré la guerre, nous sommes quittes, je m'acquitte. Dans ce livre je serai inscrite. Certes, la vie m'a donné du vice, mais tu te surestimes, me sous-estimes quand tu n'y vois que préjudice. Femme, à l'aube de l'an 2000, les marques de l'histoire laissent des traces indélébiles. Quelle que soit la décennie, on nous veut sous le même profil, toujours plus belle, plus servile. Tout ceci te semble trop cliché, derrière chaque cliché, n'y a-t-il pas une part de vérité cachée? Surexposé, je fais mes thèses bien exposées. Une fois pensé, j'ai juste à les poser. Si tout ceci te semble trop cliché, derrière chaque cliché, n'y a-t-il pas une part de vérité cachée? Surexposé, je fais mes thèses bien exposées. Une fois pensé, j'ai juste à les poser. Conditionné dès le plus jeune âge, élevé dans trop peu de liberté, tous veulent nous protéger. On nous pousse à la passivité, mais sous ma housse, j'ai là une trop grande fragilité pour le fiston. Épée conquête, grande expédition, poupée dinette pour la sœur du rejeton. L'angoisse de la merde et que sa cendrillon ameute le panthéon pour une glissade sur le gazon. Les races et les coutumes n'ont pas les mêmes règles, toutes différentes et par-delà les siècles. Cantonne la femme au rendu, sexe faible, trouble fait espiègle, impossible que je taise de fait. Au pied du mur face à la vie que tu as choisie, te vois unique où il n'existe pas de compromis. Celle de la rebelle et celle de la soumise, l'une vit pour et par son alibi, l'autre vit pour elle. Affronte le monde, déploie ses ailes, parfois se trompe mais tout ceci est essentiel. Si tout ceci te semble trop cliché, derrière chaque cliché, n'y a-t-il pas une part de vérité cachée? Surexposé, je fais mes thèses bien exposées. Une fois pensé, j'ai juste à les poser. Si tout ceci te semble trop cliché, derrière chaque cliché, n'y a-t-il pas une part de vérité cachée? Surexposé, je fais mes thèses bien exposées. Une fois pensé, j'ai juste à les poser. Certaines prennent des places du pouvoir, moderne style ou plus facile vont se mouvoir dans la sottise, vie tranquille, mais toutes vivent le péril d'une femme à l'aube de l'an 2000. Dépression, déconsidération, IVG, femme que l'on bat, viol, agression. Ma seule et unique compensation est que je suis née femme et vous m'enterrerez femme. L'homme devra le devenir dans son âme si je rassemble, unis l'ensemble des femmes. Ce n'est ni un geste, ni une cause féministe, juste un sentiment de devoir humaniste. Surexposé, je fais mes thèses bien exposées. Si tout ceci te semble trop cliché, derrière chaque cliché, n'y a-t-il pas une part de vérité cachée? Surexposé, je fais mes thèses bien exposées. Une fois pensé, j'ai juste à les poser. Si tout ceci te semble trop cliché, derrière chaque cliché, n'y a-t-il pas une part de vérité cachée? Surexposé, je fais mes thèses bien exposées. Une fois posé, t'as juste à les peser.